En 1687, l'année où La Bruyère dépose son premier manuscrit des caractères chez son éditeur, Louis XIV va encore régner 28 ans. Peu de temps auparavant, en 1682, la cour quitte le Louvre pour s'installer à Versailles, où la grandeur du règne se transforme peu à peu en pouvoirs éternels et rigides. Au fil des ans, La Bruyère observe, écrit et ajoute à ses caractères des pages nouvelles, de plus en plus critiques à l'égard du pouvoir. Ce qui conduit le lecteur du XXIe siècle à réfléchir à nouveaux frais aux éternelles questions politiques. Qu'est-ce qu'un souverain idéal? Qu'est-ce que le peuple? Est-il en mesure de gouverner? Et comment résorber les inégalités qui séparent les riches des pauvres? La Bruyère, ce matin, vous répond à l'aide de ses caractères et de son caractère, peut-être pas toujours plaisant. Tu n'as pas très bon caractère, après tout, qu'est-ce que ça peut faire? Je t'aime avec tous tes défauts, tu en as pourtant de bien gros. Pour rien, tu as des colères qui me crispent, qui m'exaspèrent. Mais tu as des petits à côté qui m'obligent à te pardonner. Depuis toujours j'avais rêvé des anges, mais avec toi vraiment cela ne change. Et lorsque je suis prête à te maudire, tu prétends que je pourrais trouver pire. Alors je n'ai plus rien à dire. Tu n'as pas très bon caractère, après tout qu'est-ce que ça peut faire? Maintenant je suis résignée, tu peux tranquillement tout casser. Bonjour Pierre Ronzeau. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Peut-on lire les caractères de La Bruyère comme étant une sorte d'autoportrait et lire le caractère de La Bruyère lui-même? Je crois qu'il faudrait beaucoup d'imagination parce qu'on sait très peu de choses sur son caractère. Ah oui ? Ce que disent les contemporains, c'est que c'était un personnage timide, mal à l'aise dans les conversations de salon, qui avait un esprit de sérieux, qui liait sans doute à sa position de moraliste chrétien, avec une vision assez augustinienne qui se traduira plus tard dans les dialogues sur le quiétisme qu'il écrira, donc de la nature humaine considérée comme corrompue, ce qui ajoute à son constat sur les maux de la société qu'il décrit dans son œuvre, une dimension qui fait qu'il ne se reconnaîtrait pas forcément dans un portrait individuel, puisqu'il est pris dans une nature humaine et dans un social qui excède l'individu. Vous êtes Pierre Ronzeau, professeur émérite à Aix-Marseille Université. Vous avez travaillé dans le cadre de vos recherches sur les rapports entre la littérature, la politique et le social. Et c'est le sujet de l'émission du jour. Votre thèse d'état portait sur les représentations du peuple sous le règne de Louis XIV. Vous avez travaillé sur Saint-Simon, Cyrano, Foigny, Verras. Le XVIIe siècle, c'est votre siècle au fond. Oui, c'est un siècle dont j'ai un petit peu exploré les aspects moins connus que les grands domaines classiques, en travaillant sur le peuple et ses représentations, en travaillant sur les utopies, en travaillant sur les libertins, les frondeurs, les pamphlets, les mémorialistes. Donc un petit peu un envers du grand siècle où on parle de gueux, où on parle d'esprit libre et où on parle d'autres mondes, d'ailleurs, de voyages. Et est-ce que ce siècle vous a intéressé, y compris travers le prisme du peuple, justement de ceux dont on parlait moins, le revers du grand siècle dont vous parliez, parce qu'il ressemble à notre époque ou au contraire parce qu'on s'en éloigne? Je ne sais pas si on s'en éloigne, j'ai peur que les choses empirent. Ah oui. Car si on regarde par exemple l'écart de différence de conditions économiques entre un grand seigneur de l'époque et un paysan de l'époque, entre Saint-Simon par exemple et l'un des paysans qu'il connaît par son prénom, non, ce qui n'est pas forcément le cas des grands dirigeants actuels ou des grands chefs capitaines d'industrie actuels qui ne connaissent pas nécessairement les gens. Si on voit l'écart financier entre les grandes fortunes actuelles et la paupérisation qui existe dans une partie de la société, je pense qu'il est malheureusement plus grand qu'il existait à l'époque, malgré les ors de Versailles. Mais quelle place tient la Bruyère dans ce paysage de réflexion politique au XVIIe siècle? C'est pas le nom qu'on cite en premier lorsqu'on on parle de ceux qui ont proposé une analyse politique du contexte historique. Ce qui est très logique, il n'a pas écrit d'ouvrages politiques. Il y a un chapitre dont on reparlera peut-être, qui est le chapitre du souverain ou de la République, le chapitre 10 des caractères, mais il a quand même un rôle politique, puisqu'il était précepteur du duc de Bourbon, le petit-fils du grand Condé, expérience malheureuse qui a duré 2 ans, heureusement pour lui, étant donné le peu d'intérêt de son élève pour la chose politique, voire pour la chose intellectuelle, mais ça l'a mis en position d'observateur des choses politiques, puisqu'il accompagnait donc Condé à Versailles et à l'hôtel de Condé à Paris, et ensuite à Chantilly, puisqu'il est devenu, en gros, gentilhomme de Condé, ce qui l'a anobli en lui donnant un titre d'écuyer et une position vraisemblablement de bibliothécaire. Donc il a une position d'observateur à la cour, chez un grand comme Condé, et d'autre part, il est proche de ce qu'on appelait le petit concile, c'est-à-dire des gens comme Bossuet, Fénelon, Fleury, qui ont beaucoup réfléchi, en particulier Fénelon et Fleury, sur la condition sociale. Fénelon étant précepteur du duc de Bourgogne, qui pouvait lui aussi devenir roi de France. Donc cette dimension est présente. Et ensuite, la Bruyère a fait ses études chez les oratoriens, qui sont plus ouverts à l'actualité que d'autres formations intellectuelles. Donc il a une posture de spectateur, d'observateur, mais ce n'est pas un penseur politique. Il fait un constat politique de l'état des choses. Alors, pour mémoire, le contexte politique à l'époque, remontant de quelques années, en 1661, voilà ce qui se passe. Messieurs, madame, aujourd'hui la face du théâtre change. Jusqu'à ce jour, j'ai laissé gouverner mes affaires par mes ministres, sous la direction de feu le cardinal Mazarin. Désormais, je régnerai seul. Je gouvernerai par moi-même. Vous m'aiderez de vos conseils quand je vous les demanderai. Je vous ordonne de ne rien signer, pas même un passeport sans mon commandement. Vous savez mes volontés, messieurs. C'est à vous maintenant de les exécuter. Louis, vous ne prétendez pas gouverner sans Premier ministre? Si, madame. C'est exactement ce que je compte faire. Enfin, Louis, vous n'avez aucune expérience du pouvoir. La guitare, oui, cela vous connaît. Et la chasse. Et les balais. Mais l'État! Que savez-vous de l'État? Si je veux gouverner seul, ma mère, c'est que je crois pouvoir le faire bien. Quant à mon goût pour les balais, sachez ceci. Mon père a fondé l'Académie de la langue française. Je ferai celle de la danse. Ce sera mon premier acte de gouvernement. Mon pauvre enfant. Que de dons du ciel ne faut-il pas pour bien régner ? Une naissance auguste, un air d'empire et d'autorité, un visage qui remplisse la curiosité des peuples empressés de voir le prince et qui conserve le respect dans le courtisan. Le cœur ouvert, sincère et dont on croit voir le fond est ainsi très propre à se faire des amis, des créatures et des alliés. Le discernement des esprits, des talents et des complexions pour la distribution des postes et des emplois. Le choix des généraux et des ministres. Un esprit de droiture et d'équité qui fait qu'on le suit jusque à prononcer quelquefois contre soi-même en faveur du peuple. Des alliés, des ennemis. Il faut aussi punir sévèrement les vices scandaleux, donner par son autorité et par son exemple du crédit à la piété et à la vertu. Une puissance très absolue, qui ne laisse point d'occasion aux brigues, à l'intrigue et à la cabale, qui ôte cette distance infinie qui est quelquefois entre les grands et les petits, qui les rapproche et sous laquelle tous plient également. Un génie, enfin, supérieur et puissant, qui se fait aimer et révérer des siens, craindre des étrangers, qui fait d'une cour et même de tout un royaume comme une seule famille. Et il me paraît qu'un monarque qui les rassemble toutes en sa personne est bien digne du nom de grand. « Alors Pierre Ronzeau, lorsqu'en 1661, Louis XIV, interprété dans le film que nous avons entendu par Benoît Magimel, c'est un extrait de Le Roi danse, un film de Gérard Corbiot qui date de 2000, décide de régner seul, aux grandes dames des autres, de la cour et de sa mère, Anne d'Autriche, que vous avez entendu, il s'éloigne de ce que La Bruyère considère comme étant le souverain idéal, et dont je viens de lire un extrait. Voilà toutes les qualités, et j'ai lu vraiment que des extraits de ce texte-là, qui est beaucoup plus long, toutes les qualités que devrait avoir un souverain pour être un bon souverain. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Louis XIV s'en éloigne. Alors d'abord, quand il prend le pouvoir en 1661, c'est Louis XIV, effectivement, qui, après l'affaire Fouquet, et après des exemples comme par exemple Concini dans le passé, veut gouverner seul. Il le dit, par exemple, il écrit des mémoires pour le Dauphin en 1662-1664, lui indiquant sa volonté de gouverner seul, mais le fait-il réellement ? Dans les caractères de La Bruyère, dans le chapitre du souverain, on a des remarques qui sont consacrées aux favoris, montrant le danger d'avoir quand même des influences sur le roi. Saint-Simon, dans ses mémoires, le roi, dont on a entendu qu'il était excellent danseur, était aussi excellent cavalier et excellent joueur de billard. Ouais. Et il a pris comme ministre des Finances Chamillard, et Saint-Simon, et qui n'aime pas Louis XIV, explique que c'est parce que c'était son partenaire de billard, et donc c'est une raison un peu limite pour en faire un ministre des Finances. Donc il y a à la fois ce désir que La Bruyère met vraiment en place dans le chapitre du souverain, d'avoir un souverain qui gouverne seul, qui par la science des détails connaît tout de son nation. Il ne gouverne pas seul dans ce texte. Il ne doit pas gouverner seul. Non, il a des souverains et des ministres qu'il doit bien choisir. Mais c'est lui qui a la décision finale. Et en fait, on est dans un modèle quand même relativement traditionnel. Ce qui est très nouveau dans le chapitre du souverain, c'est que La Bruyère insiste sur la participation du peuple à la vie politique telle qu'elle est dirigé et commandé par le souverain, mais qui ne peut aboutir et se réaliser de manière harmonieuse que s'il y a le peuple fait la moitié du chemin, comme le dit La Bruyère. Et de ce point de vue-là, on comprend pourquoi le chapitre change de titre. Dans la première version, c'était « Du souverain ». Dans la seconde version du chapitre, dans la quatrième édition, c'est « Du souverain » et de la République étant l'État, comme deux choses mises en parallèle, le titre final est du souverain ou de la République. C'est-à-dire comme s'il y avait une sorte de consubstantialité, d'osmose indépassable, entre ce qui est la personne du roi et ce qui est le public. Ce qui est la chose publique. Donc, res publica, oui, étymologiquement, c'est ça que ça veut dire. Effectivement, la chose publique. Et de ce point de vue-là, la Bruyère met en garde aussi contre un autre aspect des choses, qui serait la confusion de la chose publique et de la propriété personnelle du souverain. Il y a une remarque dans laquelle il s'érige contre ceux qui penseraient que le roi est dépositaire et peut disposer comme il veut du sang et du bien de ses sujets. Ce qu'on trouve par exemple dans la politique tirée des propres paroles de l'écriture sainte de Bossuet. Donc le roi doit gouverner, il doit gouverner en priorité avec des aides bien choisis, ministres et favoris qui ont un sens de l'État et non pas un désir de faire fortune personnellement, mais en tenant compte de ce que toute cette action est là pour but de faire du roi le père du peuple, ce qui est la définition qu'il donne dans le chapitre du souverain. Le père du peuple, le roi est le père du peuple, mais ce n'est pas un berger qui viendrait s'occuper de son troupeau. Je vous propose qu'on écoute le texte tout de suite, où il fait cette distinction très importante en philosophie politique, justement. Quand vous voyez quelquefois un nombreux troupeau qui, répandu sur une colline vers le déclin d'un beau jour, paît tranquillement le thym et le serpolet, ou qui broute dans une prairie une herbe menue et tendre qui a échappé à la faux du moissonneur, le berger, soigneux et attentif, est debout auprès de ses brebis. Il ne les perd pas de vue, il les suit, il les conduit, il les change de pâturage. Si elles se dispersent, il les rassemble. Si un loup avide paraît, il lâche son chien qui le met en fuite. Il les nourrit, il les défend. L'aurore le trouve déjà en pleine campagne, d'où il ne se retire qu'avec le soleil. Quel soin, quelle vigilance, quelle servitude. Quelle condition vous paraît la plus délicieuse et la plus libre, ou du berger ou des brebis? Le troupeau est-il fait pour le berger ou le berger pour le troupeau? Image naïve des peuples et du prince qui les gouverne, s'il est bon prince. Le faste et le luxe dans un souverain, c'est le berger habillé d'or et de pierreries, la houlette d'or en ses mains. Son chien a un collier d'or, il est attaché avec une laisse d'or et de soie. Que sert tant d'or à son troupeau ou contre les loups? Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous lisons les caractères de La Bruyère cette semaine. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la dimension politique que l'on trouve dans ce texte moins connu grâce à Pierre Ronzeau qui est avec nous en studio. Le texte que l'on vient d'entendre reprend donc cette image, cette métaphore du troupeau sur lequel veille le berger. Comme souvent chez La Bruyère, il est difficile de savoir exactement où il se situe, parce que d'un côté, cela semble être un modèle tout à fait applicable, mais d'un autre, et dans le texte, on entend bien cette ambivalence, le problème est que c'est jamais absolument réalisable comme tel, parce que très vite, le berger va vouloir se distinguer de son troupeau. Alors, c'est l'habileté de La Bruyère, c'est d'utiliser l'écriture comme moyen de faire passer des critiques, des avertissements, au moins politiques ou philosophiques. Parce que si l'on regarde le texte, bon, d'une part, c'est un texte qui part de l'image du bon pasteur, l'image traditionnelle dans le christianisme, hein, mais on s'aperçoit qu'elle est équilibrée et déséquilibrée en même temps à la fin par l'image du veau d'or. Donc, on a dans la première partie du texte, on a une succession de il qui montre le prince en action. Action protectrice. Et puis, on a deux interrogations qui, sous forme de chiasme, rompent ce qui est cette harmonie pastorale et bucolique, sur un modèle antique, si l'on veut, pour faire intervenir un double questionnement. Quelle condition vous paraît la plus délicieuse, la plus libre du berger ou des brebis? C'est l'idée du sacerdoce royal, que La Bruyère développe dans d'autres remarques du même chapitre. En fond, c'est une image sacrificielle du roi qui doit se donner à son peuple. Mais ensuite, le peuple est-il, le troupeau est-il fait pour le berger ou le berger pour le troupeau? Ça peut laisser supposer qu'il y ait une confusion et qu'un roi devienne une sorte de tyran et de despote et devienne un roi ce qu'on appelle démovore, c'est-à-dire mange-peuple. Démovore. Mange-peuple. Donc il ne protège plus, c'est lui-même qui devient le loup. Et d'ailleurs, cet avertissement, il arrive dans le chapitre du souverain et de la République au moment où s'introduisent un certain nombre de remarques critiques qui tiennent compte de la situation très grave en France dans les années 1693-1694, ce qui a été une sorte de petit âge glaciaire. En 1693, il a fait un froid terrible. Saint-Simon explique que dans son château de la Ferté-Vidame, le vin gelait dans les tonneaux. Et donc, ces deux années ont amené une misère, des famines, les gens mangeaient des racines. Il y a eu peut-être un million et demi de morts de famine. Donc, quand il rajoute après, en 1694, des remarques disant que, par exemple, la remarque sur la science des détails qui montre le savoir-faire du souverain, il dit quand même, mais que me servirait à moi, individu, que le souverain soit magnifique, et qu'il gagne des batailles si je dois vivre misérable dans ma condition propre. Donc on voit la dimension d'avertissement, ce qui fait que le portrait final que vous avez lu à la fin, le portrait de Louis le Grand, qui commence et qui se termine par Grand, donc qui dans la première version, il y a 12 remarques dans la première version, c'est un monument à la gloire du prince, auquel on peut peut-être identifier Louis XIV, mais dans la dernière version, avec 35 remarques, Donc toute une série de marques qui sont des avertissements critiques, ce n'est plus un portrait, c'est un idéal auquel le roi est prié de se conformer. Mais qui est inatteignable. Et qui est inatteignable. Par définition d'ailleurs. Par définition. Mais donc cette image, et en plus un dernier élément, quand il y a l'idée, ici, on a un texte pastoral, avec des métaphores traditionnelles, et qui est suivi par des remarques où les métaphores sont devenues des métaphores actuelles. Mmh. On n'est plus dans l'évocation d'un âge d'or du passé. On va avoir un échange quasiment monétaire pour le souverain, dont les soldats sont autant de monnaie dont il doit être économe. On a un échange quasiment mécanique avec la contribution des gens du peuple à l'action, à la vie de l'État. Et c'est-à-dire qu'on passe d'une référence pastorale archaïque à des images qui sont ceux d'un échange actuel. Il y a une actualisation par le vocabulaire, par le changement de l'imagerie. Et pourtant, c'est le terme de peuple qui peut poser problème, parce qu'on a forcément envie de le définir le plus vite possible. Et c'est souvent, d'ailleurs, chez les penseurs, y compris chez les penseurs politiques, un problème définitionnel auquel on se heurte. Chez La Bruyère, il est très clair, il le dit lui-même, il dit « qui dit le peuple ?» dit plus qu'une chose. C'est une vaste expression et l'on s'étonnerait de voir ce qu'elle embrasse et jusque où elle s'étend. Au fond, il n'arrive pas à définir ce qu'est le peuple. Alors, il n'arrive pas à le définir, ce qui n'est pas étonnant, puisque dans l'article Jaucourt de l'encyclopédie, à l'article peuple, la Jaucourt dira exactement la même chose. Le peuple est une notion indéfinissable, puisqu'en fait, c'est protéiforme, c'est polymorphe, ça renvoie à des tas de catégories. Ce qui est bien commode, pour ne pas le penser, au fond. Oui, mais c'est aussi une difficulté, parce que dès qu'on rentre dans le peuple, appartient au tiers-état. Mais dans le tiers-état, il peut y avoir aussi bien la robe, la finance, les marchands, que les pauvres manouvriers, ou les harangères. Donc, les théoriciens politiques, à partir de Loiseau, au début du XVIIe siècle, tentent d'essayer de définir dans cette catégorie-là ce qui est peuple ou ce qui est bourgeois. Ce qui est honnête homme, noble homme, ce qui reste donc populace. Et on a par exemple un traité des trois états de Godefroy Denis qui donne 16 sous-divisions pour arriver à aller de la canaille, la racaille, qui est le plus bas du peuple, jusqu'aux gens qui s'élèvent par leurs fonctions, par leurs charges. Alors déjà, si on se situe sur le plan sociologique, il y a une incapacité de définir globalement le peuple, puisqu'il contient en lui-même des sous-catégories, elles-mêmes d'ailleurs difficiles à définir, mais ça se complique parce que même chez La Bruyère, le mot a d'autres sens. Il parle évidemment des peuples au sens des habitants d'un pays quand il parle dans une remarque des habitants du Siam. Il parle aussi du peuple chrétien. Dans les remarques du chapitre de la chair, il explique qu'à partir de saint Paul, comme les bons prédicateurs doivent parler simplement pour le peuple et non pas rhétoriquement pour la cour. Il y a ensuite, il le dit dans une autre remarque, le peuple qui est en gros le public stupide, donc crédule, celui par exemple que les orateurs fascinent par leur discours sans qu'ils puissent discerner que c'est quelque chose de profondément creux. Donc là, c'est une catégorie intellectuelle. Et péjorative. Et péjorative. Et ça supposerait d'ailleurs qu'il y ait une immobilité, qu'il y ait une essentialité. Or, l'une des manières les plus habituelles de définir le peuple, c'est de le définir à partir de sa versatilité, de son changement. Dans le dictionnaire de Rochefort, il y a une fausse étymologie, peuple égale peuplier, parce qu'il change à tout vent. Et d'ailleurs, La Bruyère le dit au début du chapitre du souverain, que le peuple change sans arrêt. Donc cette versatilité du peuple l'empêche d'avoir une véritable caractéristique. Mais si on sort de toutes ces complexités, l'homme du peuple, en fait, c'est celui qui travaille de ses mains. Et de regarder le vocabulaire, c'est le manouvrier, c'est le brassier qui travaille avec son corps. C'est celui qui est pauvre et qui est au bas de la hiérarchie sociale. Il y a tout un système de codes symboliques qui le dit. Le noble, c'est celui qui a des bottes, qui est sur un cheval, qui voit en vue cavalière. Dans les pensées de Pascal, il y a l'expression « talon de soulier ». Talon de soulier, ça veut dire celui qui est au-dessus. Alors que l'homme du peuple, c'est le piéton, c'est la piétaille. Quand il se révolte, qu'est-ce que font les paysans? Ce sont les sabotiers du Quercy, ce sont les va-nu-pieds de Normandie, qui dans leurs actes signent « gens s'en semêlent ». Donc il y a une visibilité de la hiérarchie, et on pourrait ajouter, je terminerai là-dessus, la salissure. Dans le portrait des paysans animaux farouches, qui sont noirs parce qu'ils travaillent la terre, ils sont de la couleur de la terre qu'ils travaillent. Donc il y a, en fait, on ne sait pas ce qu'est le peuple en général, mais on sait qu'il y a une catégorie du peuple qui est celle des inférieurs, des travailleurs pauvres, des misérables. Champagne, c'est le nom d'un personnage, Champagne au sortir d'un long dîner qui lui enfle l'estomac et dans les douces fumées d'un vin, d'Avenay ou de Sillery, signe un ordre qu'on lui présente, qui ôterait le pain à toute une province si l'on y remédiait. Il est excusable. Quel moyen de comprendre dans la première heure de la digestion qu'on puisse quelque part mourir de faim ? Monseigneur le Grand. Buenas tardes, amigos. Les impôts sont là, monsieur le ministre. La gabelle, la taille, l'impôt sur les épices, pour cette année, ça fait combien ? 200 000 ducats, monseigneur. Mais l'année dernière, ça faisait beaucoup plus. Oui, mais la récolte avait été très bonne. Cette année, la récolte a été très mauvaise, alors il faut payer le double. Plus impôts, tout ça, c'est pour le roi. Mais Don Salluste, nos gens sont terriblement pauvres et... C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Et oui, c'est imparable, n'est-ce pas? Quand on essaye de définir ce que sont que les riches et ce que sont que les pauvres, on en arrive forcément à cette définition. Vous aurez peut-être reconnu l'extrait de La Folie des Grandeurs, le film de Gérard Houry. Les pauvres sont très pauvres et les riches sont très riches. On lit des choses qui vont dans ce sens chez La Bruyère, quasiment textuellement, Pierre Ronzeau. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que les définitions sont presque tautologiques tellement elles sont évidentes. Et pourtant, c'est à partir de ces définitions qui s'opposent, les pauvres d'un côté et les riches de l'autre, qu'il arrive à affiner sa réflexion politique. Alors, si on repart du texte sur Champagne que vous avez lu, on voit toute la subtilité de La Bruyère. Parce que Champagne, c'est un nom de vallée. Les vallées sont, il y a Picard, Normand, etc., sont désignés par leur nom d'origine. Mais de vallée, et qui est devenu effectivement riche, vraisemblablement intendant d'une province, puisqu'il a un pouvoir décisionnel, de Champagne, puisqu'on nous cite les vins d'Avenay et de Sillery, qui sont des vins de Champagne, qui n'étaient pas encore champagnonisés à l'époque, mais qui sont des vins luxueux en quelque sorte. Donc ce personnage va signer un ordre qui va affamer une province si l'on intervenait. Alors le « on », c'est manifestement le roi qui va interdire donc cet ordre affamant une province. C'est donc une action donc qui intervient de la part du roi par rapport à toute cette catégorie que est La Bruyère, mais c'est contemporain, cette catégorie ce qu'on appelle les partisans, c'est-à-dire ceux qui tiennent à ferme les impôts du royaume. On demande à une province de produire tant d'impôts, les partisans vont avancer cette somme, mais s'ils en demandent et récoltent plus, ils gardent ça pour eux-mêmes. Donc, il y a ces affameurs, ces partisans, qui sont attaqués dans de très nombreux pamphlets du temps, des partisans où l'art de voler sans ailes, par exemple, jouent un rôle extrêmement important pour l'État, puisque ce sont en fait les collecteurs d'impôts, mais qui, du point de vue de la population, sont des affameurs publics. Et à une époque, dans des années où c'est extrêmement difficile, les historiens ont montré que des paysans qui avaient parfois une seule bête pour deux sommes ont été obligés de la vendre pour pouvoir payer les impôts à cet endroit-là. Et Saint-Simon s'insurge même dans ses mémoires à partir du moment où on a créé un impôt sur les baptêmes. Donc il y a effectivement cette action qui est stigmatisée par la Bruyère. Et sinon, la distinction riche-pauvre, elle est évidente dans les caractères, on y reviendra peut-être, mais elle est prise dans une dimension qui n'est plus la nôtre, qui est la dimension eschatologique de la pensée religieuse de la Bruyère. Par exemple, lorsqu'il présente un abbé qui va prendre son luxe personnel à travers la dîme, qui va prendre l'argent de 120 familles, de 120 familles qui vont être misérables, la Bruyère termine la remarque en disant « cela permet de prévoir un avenir qui va être celui du jugement, où cet affameur du peuple va être condamné, et où, au contraire, les gens du peuple, les pauvres, vont peut-être se retrouver, si l'on croit à cette dimension ultérieure, à la droite du Seigneur. Et c'est ce que dit beaucoup de contemporains, par exemple Bossuet, dans le panégyrique de saint François d'Assise, ou dans le sermon sur l'éminente dignité des pauvres dans l'Église, c'est que le pauvre, donc, va être l'élu de Dieu dans une autre vie. Encore faut-il l'atteindre. On va même plus loin. Il y a un texte de Girard de Villethierry qui s'appelle « La vie des riches et des pauvres » qui explique que les pauvres doivent être pauvres. Parce que ça va permettre, et d'une part, ils vont avoir le salut que n'auront pas les riches. Dans les danses macabres, ce sont les grands qui sont enlevés d'abord par la mort. Les pauvres viennent après. Mais donc, le pauvre doit rester pauvre pour permettre aux riches de faire son salut en étant charitable. C'est en gros ce que ne comprend pas Don Juan dans la scène du pauvre de Molière, que le pauvre a pour fonction de le faire sortir de lui-même. Mais donc on a une inégalité qui est, disons, voulue par Dieu, qui permet de maintenir un certain ordre, mais quand celle-ci atteint un degré trop important, c'est là où la Bruyère dit qu'elle devient illégitime. C'est ce qu'il dit dans les deux dernières remarques des caractères, si on ne tient pas compte de la clausule finale du livre, où il dit qu'une inégalité des conditions, en fait, crée un fonctionnement. L'idée, c'est qu'elle crée un fonctionnement harmonieux de la société, dans lequel le grand protège, l'homme du peuple travaille et nourrit. Il y a une réciprocité des fonctions, et à partir de ce moment-là, Dieu se découvre. Mais, remarque suivante, lorsque l'inégalité devient extrême, ce n'est plus le plan divin, c'est l'action néfaste des hommes et qui est en jeu, et qui réduit à la misère, cette misère scandaleuse qu'il décrit comme peu de gens à l'époque, dans les caractères. Mais à quel moment est-ce qu'on peut intervenir en tant qu'homme? C'est difficile de savoir où s'arrête le dessein divin et où commence l'action politique des hommes. Alors, l'action politique du prince devrait être une action protectrice. Lorsque la Bruyère parle du roi père du peuple, c'est une formule qui est très ancienne, mais qui peut être prise de deux manières. Chez Hobbes ou chez Bossuet, le roi père du peuple, ça veut dire qu'il a l'autorité du pater familias sur son peuple qui doit lui obéir. C'est une manière de renforcer l'autorité du souverain. Chez La Bruyère, comme chez Fénelon, à l'époque, c'est le roi père du peuple, c'est une obligation, un impératif de protection. Il doit protéger son peuple. Donc, au niveau public et global, il y a d'une part cette protection du peuple qui consisterait pour la Bruyère, non pas, il n'imagine pas un système de protection sociale, mais il voudrait que ceux qui affament le peuple, soient empêchés d'agir comme Champagne l'est. Et sur le plan individuel, il y a une vingtaine de remarques concernant la charité. La charité qui doit être faite, sauver quelqu'un individuellement, c'est sauver sa vie, le dit La Bruyère, et qui doit être faite même s'il y a une ingratitude de la part à ceux qui en a donné, c'est-à-dire qu'on ne doit pas donner pour avoir la satisfaction d'avoir des remerciements. Donc, il y a ce discours sur la charité, existe dans les caractères de La Bruyère, mais il s'agit évidemment d'une action individuelle, et le constat, malheureusement à son époque, c'est celui d'une paupérisation très grave, qui amène même une chute démographique. Les 20 millions de Français deviennent 18,5 après ces années-là. D'où une réflexion très intéressante de La Bruyère sur l'argent. On a parlé de la richesse, les riches qui s'opposent aux pauvres, l'argent et même le luxe. Voici un portrait, donc un caractère dépeint par La Bruyère. C'est celui de Périandre, il est interprété par Daniel Mesguich. On ne peut mieux user de sa fortune que fait Périandre. Elle lui donne du rang, du crédit, de l'autorité. Déjà, on ne le prie plus d'accorder son amitié, on implore sa protection. Il a commencé par dire de soi-même « un homme de ma sorte », il passe à dire « un homme de ma qualité ». Il se donne pour tel, et il n'y a personne de ceux à qui il prête de l'argent ou qu'il reçoit à sa table, qui est délicate, qui veuille s'y opposer. Sa demeure est superbe. Un dorique règne dans tous ses dehors. Ce n'est pas une porte, c'est un portique. Est-ce la maison d'un particulier? Est-ce un temple? Le peuple s'y trompe. Il est le seigneur dominant de tout le quartier. C'est lui que l'on envie et dont on voudrait voir la chute. C'est lui dont la femme, par son collier de perles, s'est fait des ennemis de toutes les dames du voisinage. Tout se soutient dans cet homme. Rien encore ne se dément dans cette grandeur qu'il a acquise, dont il ne doit rien, qu'il a payé. Que son père, si vieux et si caduque, n'est-il mort il y a 20 ans et avant qu'il se fît dans le monde aucune mention de Périandre? Comment pourra-t-il soutenir ces odieuses pancartes qui déchiffrent les conditions et qui souvent font rougir la veuve et les héritiers? Les supprimera-t-il aux yeux de toute une ville jalouse, maligne, clairvoyante et aux dépens de 1000 gens qui veulent absolument aller tenir leur rang à des obsèques? Veut-on d'ailleurs qu'il fasse de son père un noble homme? Et peut-être un honorable homme, lui qui est messire. Toute la force de ces portraits, Pierre Ronzeau, c'est qu'on, au-delà de la finesse de l'analyse, c'est qu'ils sont souvent, il y a beaucoup d'humour au fond. Et je ne sais pas si vous souriez ou vous riez encore en les lisant, en les écoutant, mais celui-là, il est vraiment délicieux. Toute la manière dont il est écrit, ce n'est pas une porte, c'est un portique. On est dans l'emphase permanente, si bien que le lecteur lui-même, en se mettant à la place de cet homme, en voit tout le ridicule. Et en plus, il joue à la fois sur le plaisir du lecteur qui suit ce texte avec sa description du rôle du collier de perles de la femme, donc qui va évidemment être décisif dans la représentation sociale et dans la puissance accordée au personnage et la reconnaissance de l'imminence de celui-ci qui est juste lié à un objet. C'est ça. Donc qui renvoie à un avoir et non pas à un être. C'est pas la grandeur du personnage, c'est ce qu'il possède. Mais il joue aussi, de manière un peu plus subtile, pour un certain nombre de ses lecteurs, à partir du personnage de Périandre. Parce que Périandre... Alors, qui est Périandre, oui? Périandre était un tyran de Corinthe vers 600 avant Jésus-Christ, qui était le fils d'un autre gouvernant de Corinthe, et non pas le fils d'un indigne dont il faut cacher le statut social au moment de son enterrement pour que son fils ne voit pas sa noblesse prétendue et usurpée dévoilée aux yeux des autres, hein, et qui a fait la splendeur de Corinthe à l'époque, qui est un grand gouvernant et qui a fait construire un temple d'Apollon à Corinthe, qui est réintroduit dans le texte au travers de l'idée du Dorique, et du portique, donc de la possession particulière de ce m'as-tu vu parvenu qu'est Périandre. Donc on peut jouer à différents niveaux avec la... C'est le bling-bling au fond. C'est le bling-bling, ah, c'est ça. Exactement, c'est le bling-bling, et avec à la fin cette... cette révélation, hein, donc insupportable pour le personnage, qui renvoie à sa nature véritable et à la en fait qui va être démasqué, hein, au dernier moment, donc à cause du décès de son père. Et ce désir de posséder le plus d'argent possible et d'être dans ce qu'il appelle le luxe, est-ce pour lui, parce qu'il y accorde de l'importance, hein, justement, est-ce pour La Bruyère une manière un angle par lequel il vient dénoncer ces inégalités dont nous parlions avant? Il vient dénoncer à partir du luxe, on l'a vu au travers de Champagne et de ce que boit Champagne. D'ailleurs, il y a une remarque du chapitre des grands en disant que la différence entre certains grands et certaines personnes du peuple qui sont de l'ordre de la canaille, c'est que les grands boivent des grands vins, hein, et la canaille de la piquette. Ce n'est pas une question de nature, c'est une question simplement de possession. Hein. Mm-hmm. Ce sont les attributs extérieurs de la grandeur qui font la prétendue dignité d'un personnage, ce n'est pas son être même. Et c'est quelque chose qu'il met en avant, alors avec une variété assez extraordinaire, par exemple le portrait de Philémon, donc couvert d'or, dont La Bruyère dit que je m'émerveille devant le carrosse doré, je m'émerveille devant le nombre de laquais, je m'émerveille devant les habits, devant la montre en onyx du personnage, mais enlevez-moi de tout ça. Je ne vois pas Philémon lui-même, qui n'a d'autre existence que ce qu'il affiche sur lui-même. Hein. Ça, il s'inscrit ce faisant dans la lignée ouverte par Pascal, dans les pensées de Pascal, où il dit que finalement le moi lui-même n'existe pas sans les qualités empruntées. Alors, chez Pascal, il y a l'idée quand même de l'importance de se paraître, dont il montre la force. Dans La Force et la Grimace, on voit que on peut être très justement impressionné par une hallebarde, par quelque chose qui représente la puissance, ou par quelque chose qui représente la grandeur, la posture d'un orateur, ou la main de justice d'un gouvernant. Chez La Bruyère, il y a un scepticisme plus subtil ou plus retors, parce qu'il perce à jour, en quelque sorte, les artifices sur lesquels repose cette présentation de soi en majesté. Pascal réfléchit dans une vision donc de la hiérarchie sociale telle qu'elle existe dans la société post-lapsaire, après la chute. La Bruyère, plus modestement, dans la société de son temps, dénonce les artifices par lesquels on veut en imposer. Alors c'est vrai qu'il y a une remarque où il dit quand je vois toute cette richesse, tous ces laquais, je ne peux pas m'empêcher d'être impressionné par elle. Mais il faut, en gros, faire une sorte de distance entre l'émerveillement devant ce qui est la beauté du luxe et ce qui le possède. Et à partir de ce moment-là, l'admiration va pour ceux qui font ces objets de luxe. Une belle épée, les artisans, une belle épée, une belle montre, un beau carrosse. Il y a un déplacement du point de vue de la valeur à côté et de ce que donne à percevoir et à ressentir l'apparence, mais qui est fallacieux. Mais est-ce qu'on pourrait pas retourner à la Bruyère, ces critiques qu'il adresse à l'encontre du luxe et de ce goût du raffinement? Il écrit, et quel raffinement lit-on dans ses pages, dans ses caractères? Pour quelqu'un qui n'aime pas beaucoup le luxe, il semble quand même y être familier. Ah oui, alors là, il y a une sorte de paradoxe chez le moraliste qui condamne le luxe pour les raisons qu'on a dites, mais qui se sert du luxe pour enrichir en quelque sorte la palette de son écriture. Il est bien évident que s'il n'y avait pas ces riches, par exemple, qui se promènent dans une remarque du chapitre de la ville, qui se promènent avec leurs carrosses de manière beaucoup plus somptueuse que les Romains à leur époque. La description du valet de Zénobie. On a toute une série de remarques qui utilisent ce clinquant, cette ostentation pour donner un brillant à l'écriture. En fait, il se sert de ce luxe qu'il dénonce, hein, et même stylistiquement, vous avez parlé de l'hyperbole tout à l'heure, il y a toute une gradation dans la manière d'écrire magnifiquement donc tous ces objets, mais ça se termine à chaque fois par une clausule, une fin de remarque et qui dégonfle intégralement ses apparences. Alors il y a effectivement un paradoxe. S'il avait juste eu des personnages à la Rousseau donc à décrire, hein, et non pas des personnages enrubannés, couverts de dorures, il est évident qu'il y aurait eu une espèce de platitude de son texte, hein, qui se nourrit esthétiquement de ce qu'il dénonce éthiquement. Oui, c'est ça, exactement. Mais est-ce que vous diriez que politiquement, la Bruyère serait plutôt du côté du conservatisme, ou est-ce qu'il y aurait quand même une volonté de réformisme avec les analyses qu'il propose du peuple, l'importance de l'artisanat, du travail manuel? Alors, il est conservateur parce qu'il a une conception fixiste de la nature humaine, hein, héritée de Théophraste, bien sûr, et d'Aristote. Et il est conservateur parce qu'il pense que la monarchie, et comme 99% des gens de son temps, est le meilleur des gouvernements possibles. Dans le chapitre du souverain, il passe en revue dans les 7 premières remarques, rapidement, l'État populaire, dont il dit que même les enfants qui commencent par l'État populaire ne peuvent pas s'y tenir. Immédiatement, il y en a un qui veut prendre le dessus, qui devient le tyran des autres, etc. Donc, cette idée d'une république est quasiment inexistante. Bon, il y a quelques théoriciens, il y a un pamphlet en Suisse, il y a le comte de Bucquois qui revendiquerait peut-être la possibilité d'une république, mais c'est très rare. Donc il est pour une monarchie, mais une monarchie selon les conditions politiques qu'on a dites, dans lequel l'orientation globale du gouvernement et donc le bien public. Et par contre, il a quelque chose, je pense, d'assez récent, qui n'est pas le seul à son époque, mais il n'accepte plus la prétendue supériorité noble comme elle était avancée. Lorsque, dans le chapitre des grands, à plusieurs reprises, ils disent « oui, ils ont des grands titres, ils ont des ancêtres, hein, mais quoi ? Mais dans le fond, qu'est-ce que cela par rapport à ce qu'ils font réellement ?» Là encore, il est pascalien, qui justement essaie de dissocier totalement d'un côté l'ordre naturel et l'ordre de la coutume, disant bien qu'on tient le second pour le premier, au fond. On croit que la noblesse est une grandeur naturelle, alors c'est une grandeur d'établissement. Exactement. Alors il y a encore un certain nombre de gens, par exemple pour Saint-Simon, le sang noble est vraiment une qualité ontologique, qui donne une détermination au courage, à l'intelligence. C'est quelque chose auquel il croit profondément. Donc c'est quasiment une dimension raciale de la hiérarchie sociale qui est fondée en nature. Mais très peu de gens sont encore ont encore cet état d'esprit, et la Bruyère au contraire pense vraisemblablement demande en quelque sorte que les gens soient en poste, non pas en fonction de leur naissance, non pas en fonction de leur richesse, ce qui est le cas dans 95% des cas, mais en fonction de leur mérite. Et le mérite, c'est quelque chose qui dépend de l'action de personnelle d'un individu, se faire valoir par soi-même, dit-il, et non pas de ce qu'on a reçu des autres, une essence ou... C'est absolument contemporain, ça, ce constat-là. On n'a pas beaucoup changé en quelques siècles. Complètement. De manière générale, vous pensez que les caractères de la Bruyère ont cette forme d'actualité aujourd'hui ? Ils peuvent avoir une forme d'actualité, et d'abord à travers tout ce qu'ils dénoncent du pouvoir du paraître, du système de la mode, par exemple, il y a un chapitre de la mode, du pouvoir des images. Il y a aussi une actualité, dans ce qu'il dénonce, malgré tout, des inégalités. Et surtout, il a une modernité par rapport à son temps, dont on ne sait pas s'il ne faudrait pas la retrouver, dans tout ce qu'il valorise, par exemple, du travail manuel. Oui. Dans les caractères, on a une trentaine de métiers qu'on voit exercer, ce qui n'existe pas ni chez La Rochefoucauld, ni chez Chamfort, chez les moralistes. On nous dit que faire un livre... c'est comme faire une pendule, que l'univers dans le chapitre des esprits forts a été fait au coin de l'ouvrier pour Dieu. On nous montre des gens qui sont capables de scier du marbre parfaitement. Oui. Hein. Et donc, il y a une revendication, même pas simplement d'ailleurs le travail artisanal, il y a dans la remarque 22 du chapitre de la ville, il nous montre ce que font les paysans. Il nous dit, ils cultivent des baliveaux, des genêts, des regains, etc., vocabulaire qu'on ne comprend pas. Donc, il déplace l'incapacité. Bon, merci beaucoup, Pierre Ronzeau. On ira lire ces textes-là, justement, parce que c'est absolument passionnant, et je conseille à tous les auditeurs d'aller regarder ces pages sur l'importance du travail manuel dans le peuple. Merci infiniment d'être venu nous en parler ce matin de ces caractères, la Bruyère et la dimension plus politique, l'importance du paraître, de la richesse pour exister en société. Get rich or die trying. Réussir ou mourir, c'est ce que chante 57. Yeah. Man, everywhere I go, I mean like everywhere I be, I hear niggas running they mouth, you should hear how they talk about me. I know Boo Rummy 50, he a grimy nigga. Think he shot my brother, I'ma find that nigga. We don't see his punk ass unless he on TV. Yeah, he did my brother dirty, but he don't wanna see me. Remember Ride L from KP, thought he was his man. Put him on the table to bag up, he beat him for grams. How you think he got that money for that chalk gray land? That nigga robbing and stealing everything that he can. Man, everywhere I go, I mean like everywhere I be, I hear hoes. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, on passe de La Bruyère à 50 Cent et à Aurélien Bélanger pour sa question philo du jour. Tu les aimes tes cours de philo ? C'est vraiment très enrichissant. Ça me demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Votre question aujourd'hui est la suivante. La politique des contre-feux nous conduit-elle droit à l'embrasement généralisé ? Alors, il me faut partir du dessin qui m'inspirait cette question, dessin qui est peut-être devenu le plus célèbre du monde. On le doit au dessinateur Casey Green. Il représente un chien jaune anthropomorphe avec un chapeau sur la tête. Il est assis devant une table, il y a un mug devant lui, il a l'air paisible, mais tout autour de lui, la pièce est en feu. La seconde vignette, identique à la première, ajoute son commentaire à la situation. This is fine, tout va bien, mais le monde est en feu. Le dessin date de 2013 et l'histoire récente a été incroyablement généreuse avec lui. Tout lui a donné raison. En un seul dessin, Casey Green a réussi à nous représenter presque aussi bien que Charles Schulz, le génial dessinateur de Snoopy, en près de 18 000 strips. Incidemment, le dessin arrive aussi à nous rappeler le plus grand traumatisme qu'aura connu le dessin de presse. Comment ne pas penser aussi devant ces flammes au célèbre dessin de Charb, représentant l'invention de l'humour avec un homme préhistorique s'apprêtant à jeter de l'huile sur le feu. Oui, mais il n'est pas un peu trop placide pour être Charlie, ce chien ? Une grande partie de l'activisme contemporain tourne justement autour de cette question. Si le feu couve tout autour de nous et qu'il est peut-être trop tard pour le contenir, la seule chose qui resterait à faire serait d'allumer des contre-feux, ainsi par exemple les fusées d'Elon Musk, qui semblent faire le pari d'un embrasement général de l'atmosphère propice à la fuite sur Mars. Ou bien, autre manière de jeter un bien commun dans le feu, de ces incessantes querelles sur l'universalisme, dont on voudrait qu'il soit en même temps l'air le plus pur que l'on respire, et une nuée ardente destinée à brûler tous les résidus résineux du communautarisme ou des politiques de l'identité. Les tenants les plus raisonnables de la douceur de vivre en République, des délices sécularisées de la conversation laïque, se sont ainsi soudain enflammés et de pétitions contre la cancel culture à la création d'un observatoire du décolonialisme et des idéologies identitaires, on a l'impression étrange que ce sont les rationalistes ou autoproclamés tels qui viennent de découvrir qu'eux aussi, ils savaient allumer des bûchers. Alors que l'Amérique vit désormais sous la menace d'une insurrection fasciste, un journal prétendument modéré s'inquiète ainsi des ravages orwelliens de l'écriture inclusive. Quelque chose dans la science du contre-feu m'échappe ici un peu, à moins que l'idée soit que tout soit toujours de la faute de la gauche insupportablement prométhéenne, remise au pas par la foudre de la droite jupitérienne. Encore une histoire de contre-feu. Pris entre un couvre-feu à l'extérieur et ses contre-feux incessants, on en vient bien à incarner ce chien dont la placidité cacherait mal une certaine panique. Même si Néron n'est plus sur son balcon, on n'a qu'à ouvrir son Twitter pour regarder Rome brûler. C'est presque devenu notre loisir principal. Passe dans la foule quantité de pompiers avec des amphores d'eau sur l'épaule, non d'huile, puisque l'Aventin du débat serein, le Capitole du consensus républicain serait déjà perdu, autant que le feu accélère là-bas pour sauver les collines qui restent encore. Oui, mais vous disiez au début de votre chronique que cette fameuse politique des contre-feux nous conduirait à l'embrasement généralisé. Longtemps, la radicalité politique était la spécialité des extrêmes. Mais c'est devenu aujourd'hui plutôt la spécialité du centre qui tire par LBD ou par tribune interposée sur tout ce qui s'oppose à sa bienveillante domination. Et c'est comme si le cœur de notre appareil politique, de la ronronnante République, était soudain pris par des accès de rage. Le centre, maintenant qu'il a pris le pouvoir, serait devenu incandescent et c'est presque aux activistes des mouvements MeToo ou de Black Lives Matter qu'on attend le plus un retour à la raison politique. Merci beaucoup Aurélien Bélanger. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philo. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle en compagnie de Baptiste Botella, Jules Barbier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert. C'est Laurence Malonda qui réalise pour vous cette série d'émissions. À la prise de son aujourd'hui, c'était Laurie Vachon. À la lecture des textes, Daniel Mesguich. Je donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Profession Philosophe qui, chaque semaine, chaque vendredi, donne la parole à ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. Demain, nous serons en compagnie du philosophe Jean-Luc Marion. D'ici là, pour réécouter cette émission, cette série autour des caractères de la Bruyère, vous pouvez vous rendre sur le site de France Culture ou bien télécharger l'application Radio France qui vous permet d'écouter toutes les émissions de chaque groupe de Radio France en direct, mais aussi en téléchargement, en podcast. Comme ça, vous pouvez garder les émissions, les écouter plus tard, où vous voulez et quand vous voulez. L'équipe vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. On est présent, on adore lire vos commentaires et répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. On se retrouve demain à 10h avec grand plaisir. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.